Troisième partie, chapitre 5, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gillian Hendry. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Troisième partie, chapitre 5. De l'humilité plus parfaite et intérieure. Vous désirez, filouté, que je vous fasse entrer plus avant dans la pratique de l'humilité. Je vais vous satisfaire, car en ce que je viens de dire, il y a presque plus de sagesse que de l'humilité. L'on voit bien des personnes qui ne veulent jamais faire d'attention aux grâces particulières que Dieu leur fait, de peur que leur cœur, surpris d'une vaine complaisance, ne lui en dérobe la gloire. C'est une fausse crainte et une véritable erreur, car puisque la considération des bienfaits de Dieu nous porte efficacement à l'aimer, comme l'enseigne le docteur Angélique, plus nous les connaîtrons, plus nous l'aimerons. Mais parce que notre cœur est plus sensible aux grâces particulières qu'aux bienfaits généraux, c'est sur ces grâces même que nous devons faire plus de réflexion. Rien ne peut nous humilier davantage en la présence de la miséricorde de Dieu que la multitude de ses grâces et la multitude de nos péchés en la présence de sa justice. Considérons donc attentivement ce qu'il a fait pour nous et ce que nous avons fait contre lui. Puisque nous recherchons nos péchés en détail, examinons aussi en détail les grâces que Dieu nous a faites. Et pour lors, il ne faut pas craindre que cette vue nous enfle l'esprit, pourvu que nous pensions bien que ce que nous avons de bon n'est pas de nous. Et là, les mulets ne sont-ils pas toujours des bêtes lourdes et infectes, quoiqu'ils soient chargés de meubles précieux et parfumés de princes? Qu'avons-nous de bon que nous n'ayons pas reçu? Et si nous l'avons reçu, pourquoi nous en glorifier? Au contraire, la vive considération des grâces de Dieu nous doit rendre humbles, puisque la connaissance d'un bienfait en produit naturellement la reconnaissance. Mais si cette vue flatte notre cœur de quelque vaine complaisance, le remède infallible à ce mal est le souvenir de nos ingratitudes, de nos imperfections et de nos misères. Oui, si nous considérons ce que nous avons fait quand Dieu n'a pas été avec nous, nous connaîtrons bien que ce que nous faisons quand il est avec nous n'est pas de notre façon ni de notre fond. Véritablement, nous jouirons du bien qu'il a mis en nous, et même nous nous en réjouirons parce que nous le possédons. Mais nous en glorifierons Dieu seul parce qu'il en est l'auteur. C'est de là que la Sainte Vierge publie que Dieu a opéré en elle de très grandes choses. Et elle ne le publie que pour s'en humilier tout ensemble et pour l'en glorifier. Mon âme, dit-elle, glorifie le Seigneur, parce qu'il a opéré des grandes choses en moi. Nous disons souvent que nous ne sommes rien, que nous sommes la misère même, et comme le disait saint Paul, l'ordure du monde. Mais nous serions bien maris que l'on nous prît au mot et que les autres parlassent ainsi de nous. Au contraire, nous fouillons souvent pour faire courir après nous. Nous nous cachons afin que l'on nous cherche. Nous affectons de prendre la dernière place pour passer avec plus d'honneur à la première. La vraie humilité ne fait pas semblant de l'être et ne parle que fort peu en termes d'humilité, car elle n'entreprend pas seulement de cacher les autres vertus, mais encore plus de se cacher soi-même. Et si la dissimulation, le mensonge, le mauvais exemple étaient permis, elle ferait des actions de fierté et d'ambition pour se cacher jusque sous l'orgueil et se dérober plus sûrement à la connaissance des hommes. Voici donc mon avis, Philothée. Ou bien, ne parlons jamais de nous en termes d'humilité, ou bien conformons nos pensées à nos paroles par le sentiment intérieur d'une vraie humilité. Ne baissons jamais les yeux quand nous humilions nos cœurs et n'affectons pas la dernière place, à moins que de bon cœur et sincèrement nous ne la voulions prendre. Je crois cette règle si générale qu'elle ne doit souffrir aucune exception. J'ajoute seulement que la civilité nous oblige quelquefois de présenter aux autres de certains honneurs que nous savons bien qu'ils ne prendront pas et que cela n'est ni une fausse humilité ni une duplicité, parce que cette déférence est une manière de les honorer. Et puisqu'on ne peut pas céder l'honneur tout entier, on ne fait pas mal de le leur présenter. Je dis le même de certains termes de respect, qui ne paraissent pas conformes aux lois rigoureuses de la vérité, ne lui sont pas absolument contraires, pourvu que l'on ait une intention sincère d'honorer la personne à qui l'on parle. Car bien qu'il y ait quelque excès dans ces expressions, nous ne faisons pas mal de nous en servir, selon l'usage que tout le monde reçoit et entend bien. Je voudrais toutefois que l'on tâchât de donner à ces paroles la plus grande justesse de conformité que l'on pourrait avec son intention, ainsi de ne s'éloigner en rien de la simplicité de cœur, ni de l'exactitude de la sincérité. L'homme qui est véritablement humble aimerait mieux que notre dit de lui qu'il est un misérable, qu'il n'est rien, qu'il ne vaut rien, que de le dire lui-même. De moins, s'il sait que l'on parle ainsi de lui, il souffre de bon cœur, parce qu'étant persuadé de ce que l'on dit, il est bien aise que le jugement des autres se trouve conforme au sien. Plusieurs disent qu'ils laissent l'oraison mentale au parfait et qu'ils ne sont pas dignes de le faire. Les autres protestent qu'ils n'osent pas communier souvent parce qu'ils ne se sentent pas assez de pureté d'âme. Ceux-là publient qu'ils craindraient de faire tort à la dévotion s'ils sont mêlés à cause de leur grande misère et de leur fragilité. Ceux-ci ne veulent point se servir de leurs talents pour la gloire de Dieu et pour la salut du prochain, parce que, connaissant bien, disent-ils, leur faiblesse, ils craignent que l'orgueil ne profite du bien dont ils seraient les instruments, et qu'en éclairant les autres, ils ne se consument eux-mêmes. Tout cela n'est qu'un artifice et une sorte d'humilité non seulement fausse, mais maligne, car on s'en sert ou pour mépriser finement et couvertement les choses de Dieu, ou bien pour cacher sous un humble prétexte son amour propre, son opiniâtreté, son humeur et sa paresse. Demandez à Dieu un miracle, soit en haut dans le ciel, soit en bas au profond de l'abîme, dit le prophète Isaïe à l'impie roi Achaz. Et il répond, non, je ne le demanderai point, et je ne tenterai point le Seigneur. Oh le méchant homme, il affecte un grand respect pour Dieu, et sous couleur d'humilité, il rejette une grâce que la divine bonté lui présente. Mais ne savait-il pas que quand Dieu veut nous faire du bien, c'est un orgueil que de le refuser, que ses dons sont de nature à nous obliger par eux-mêmes de les recevoir, et que l'humilité consiste à se conformer le plus qu'on peut à ses désirs. Or, le grand désir de Dieu est que nous soyons parfaits pour nous unir à lui par la plus parfaite imitation de sa sainteté. Le superbe qui se confie en soi-même y trouve aussi une grande raison de n'oser rien entreprendre. Mais l'humble est d'autant plus courageux qu'il se connaît plus impuissant. Et l'esprit magnanime croit en lui à proportion que le mépris de soi-même l'humilie à ses yeux. Parce qu'il met toute sa confiance en Dieu, qui se plaît à glorifier sa puissance par notre faiblesse et à faire éclater sa miséricorde sur notre misère. Il faut donc entreprendre avec une courageuse humilité tout ce que ceux qui conduisent nos âmes jugent nécessaire à notre avancement. Penser savoir ce que l'on ne sait pas, c'est une sottise bien grossière. Faire le savant sur ce que l'on ignore, c'est une vanité insupportable. Pour moi, je ne voudrais jamais ni faire le savant, ni faire l'ignorant. Quand la charité le demande, il faut aider le prochain avec bonté et avec douceur, surtout ce qui est nécessaire à son instruction et à sa consolation. Car l'humilité qui cache les vertus pour les conserver, les fait paraître quand la charité le commande pour les exercer et pour les perfectionner. L'on peut donc bien comparer l'humilité à un arbre des îles de Tylos, dont les fleurs sont d'un incarnat fort vif et qui les tenant closes durant toute la nuit, ne les offre qu'au soleil levant, ce qui fait dire aux habitants du pays que ces fleurs dorment la nuit. En effet, l'humilité cache nos vertus et nos bonnes qualités et ne les fait jamais paraître que pour la charité, qui étant une vertu non pas humaine et morale, mais céleste et divine, et le soleil des vertus, et doit toujours dominer sur elle, de sorte que partout où l'humilité préjudicie à la charité, elle est indubitablement une fausse humilité. Je ne voudrais encore jamais ni faire le faux, ni faire le sage, parce que si l'humilité m'empêche de faire le sage, la simplicité et la sincérité doivent m'empêcher de faire le faux. Et si la vanité est contraire à l'humilité, l'artifice et le déguisement sont contraires à la simplicité et à la candeur de l'âme. Si quelque grand serviteur de Dieu en fait semblant d'être faux pour se rendre plus abject, il faut les admirer et non pas les imiter, parce que le motif qui les a portés à cet excès en était en eux si extraordinaire et si propre à leur disposition particulière que personne n'en doit tirer aucune conséquence pour soi-même. À l'égard de l'action de David, qui dansa et sauta devant l'arche d'alliance, un peu plus que la bienséance ordinaire ne le demandait, il ne prétendait pas faire le faux. Non, mais elle s'abandonna simplement et sans aucun artifice à l'instinct et à l'impétuosité de sa joie, dont l'Esprit de Dieu remplissait son cœur. Il est vrai que quand son épouse Michel lui en fit reproche comme d'une folie, il n'en fut nullement touché, et que même par une suite de l'impression de cette joie spirituelle sur son âme, il témoigna qu'il recevait ce mépris avec plaisir pour l'honneur de son Dieu. Ainsi, lorsque, pour des actions qui porteront quelque manière naïve d'une vraie dévotion, le monde vous regardera comme une personne vile et abjecte ou extravagante, l'humilité vous fera trouver de la joie dans ses précieux opprobres, dont le principe ne sera pas en vous qui le souffrirez, mais en ceux d'où il vous viendra. Fin de chapitre 5, troisième partie.